Gauzak fite entzinatu dira aurten Florian Egia Berendako. Adigoneko 19 urtezpetikako taldeak Frantzia mailan lehiatzeak ausitu du aurten, PSG, Lyon edo Marseille bezalako taldeekin batera, eta euskaldunek ez dute gogitzerik izan. Zuri urdinak zazpigaren ziren sailkapenean, helburua lortua Florian Egia Berrek edionaz. Un niveau qui demande beaucoup d'exigence, qui est souvent consacré pour les clubs professionnels, et les clubs amateurs comme nous n'ont pas beaucoup de place, mais on a réussi cette année à tirer notre épingle du jeu et à réussir à se maintenir. Talde lana dudei gabe, baina Egia Beren golek izan dute zer egan, metro bat eta 75-70 kiloren dako, 16 gol sartu ditu 18 partidetan, bigarren goleatzaile hoberena bizka bat agitua zen. J'ai assez souvent marqué, mais... À ce niveau-là, ça m'a assez bien réussi. J'étais en pleine confiance avec des coéquipiers et des entraîneurs qui me laissaient une certaine liberté. Et du coup, c'est comme ça que petit à petit, ouais, j'ai marqué plusieurs buts. Oui. Eta aurten erakutsi duen maila begian itzek ikusi dute, senyoretan sartuko da alduden irailean, eta autu batekin beharko du, Avironeko lehen taldean jokatu, Nazional Iruan, ala ambizio gehiagoko bide berri bat jogatu, ez ditu ateak esten. Pour l'instant, je suis pleinement à l'Aviron Bayonnais, mais après, je me laisse le droit de réfléchir si quelques clubs professionnels viennent vers moi. Eta proposamenak baditu, irugarren mailako Laval edo bigarrenera jausten den Toulouse bereziki. Je devais faire des tests au TFC à Toulouse, qui malheureusement ont été annulés à cause du Covid-19. Ces tests seront reportés à cet été. Berriz kontaktatua izaitea itxoiten du Lapurtarrak. Baionako Aviron Bilboko Atletikekin hitzartua da, ondorioz pentsa daiteke ere zurigorriek jokalaria segitzen dutela, asteko mementoan isilik daude. Egia bere. Non, absolument pas, non. Ni de par le partenariat, ni de par autre chose. Aucun contact réel a été fait. Eta proposamenik balego, gustuko aluke. Ah, bien sûr, un grand club comme l'Atletik, bien sûr, ça me plairait. Baina mementoan deus, pistari konkretuena, berak egin bezala, Toulousena.